c'est-à-dire on ne compare pas à quelqu'un d'autre. On va dire, ce malade, il a un risque de 20% de faire un infarctus, par exemple, de faire un événement cardiovasculaire. Alors, vous allez me dire, pourquoi, madame, on dit pourcent? En fait, parce que d'où on a tiré tout ça? Ni généralité. Au début, la médecine, l'épidémiologie des maladies cardiovasculaires se basait sur des études d'observation. Observation. Alors, on n'avait pas les moyens d'agir. On observait, ok? On observait des sujets évoluer. Alors, l'une des grandes études piliers de l'épidémiologie des maladies cardiovasculaires. Sur les premières études de Framingham, on prenait une centaine de personnes. ont le même âge, qui ont le même chiffre de cholestérol, etc. Et on essaie de voir sur ces 100 personnes combien d'entre elles faisaient un événement cardiovasculaire. D'accord? Et c'est justement à partir de ces études de Framinga qu'on parle, qu'on raisonne en pourcentage. Sachez que l'on considère le risque cardiovasculaire comme significatif ou élevé lorsque le risque est supérieur ou égal à 20% d'événements cardiovasculaires à risque. Il est très élevé quand il est supérieur à 30%. D'accord? Et il peut être faible quand il est inférieur à 5%. D'accord? Donc c'est une façon d'évaluer le risque. Et je vous ai dit la dernière fois que si on traite une tension artérielle, ce n'est pas pour abaisser des chiffres, mais c'est pour abaisser un risque cardiovasculaire. C'est ça l'objectif. C'est pour ça que c'est une étape très importante. Stratifier le risque cardiovasculaire du patient. Si son risque est élevé, ça justifie une attitude rapide sur ces facteurs de risque et fiable. Si son risque n'est pas très élevé, on a le temps d'agir par des mesures, par exemple, non hygiéno diététique, etc. Donc, notre attitude va dépendre du niveau de risque cardiovasculaire du patient. Ça va? Donc, on a dit ce que c'était. On va dire le risque peut être évalué de manière quantitative ou semi-quantitative. Quantitative, c'est-à-dire que vous allez trouver, tout d'un coup, à l'aide d'un logiciel ou calculateur de risque, vous trouverez, il vous donnera 13%, 15%. C'est ça quantitative, il y a une quantité. Donc, il peut être évalué de manière quantitative ou semi-quantitative. Semi-quantitative, c'est lorsque vous avez un tableau comme ça. Au lieu d'avoir un chiffre, vous allez avoir une catégorie de risque. C'est-à-dire que vous allez, à travers ce tableau, vous n'allez pas dire que le risque de mon patient est à 10%. Vous allez dire que le risque est élevé, il est très élevé, ou il est faible, il est moyen, etc. Ok? Donc c'est ça l'évaluation. L'évaluation semi-quantitative, elle est plus simple lorsqu'on est en consultation externe, quand on est en train d'examiner un malade. D'accord? Ok? Donc on va s'attarder un peu sur cette évaluation semi-quantitative. Donc, évaluation semi-quantitative, et je vais vous montrer, là, c'est les avant-dernières recommandations, je vais vous montrer les recommandations 2013. Voilà, donc je passe de la les études interventionnelles, c'est ce qu'on appelle les essais cliniques. Notre attitude, elle est basée sur les preuves. Notre attitude, elle est basée sur des arguments. Il n'y a pas mieux que les études d'intervention et leurs résultats pour alimenter les nouvelles recommandations. C'est ce qu'on appelle la médecine basée sur les preuves. D'accord ? Une preuve, un argument, si vous voulez. Donc maintenant, on ne traite pas comme ça. On traite sur des bases. Et les meilleures bases, ce sont les études et les essais cliniques, d'accord, qui montrent qu'il y a un bénéfice à traiter tel patient et jusqu'où abaisser sa tension, par exemple. À quel moment introduire un traitement pharmacologique. Et là, ce sont les experts en hypertension qui rédigent, qui vont rédiger régulièrement, selon l'apparition de nouvelles données de la littérature, nouvelles études, qui vont rédiger des recommandations destinées aux praticiens qui soient généralistes ou spécialistes. D'accord ? C'est pour les guider dans la prise en charge. Donc à chaque fois, il y a des recommandations, que ce soit faites par l'OMS, par les Européens qui ont une société quand même commune, ou là carrément les Français qui ont une société, les Britanniques, les Américains, les Canadiens, etc. Nous, on n'a pas de recommandations généralement, on est affilié aux recommandations européennes. Nos sociétés savantes ne rédigent pas encore les recommandations. Alors, je ferme la parenthèse. Donc c'est pour ça que je vous dis recommandation, c'est pas pour vous épater, ni pour me vanter que je suis en train de lire les dernières données de la littérature, mais vous devez, en tant que médecin, avoir les dernières données de la littérature quand vous soignez un malade. C'est un devoir, parce qu'il faut faire bénéficier le patient des progrès de la médecine. D'accord ? On va pas le traiter comme il y a en traite il y a 10 ans. Ailleurs, des médecins, ils doivent valider un certain nombre d'heures de formation continue, même s'il a déjà son diplôme. D'accord ? L'ordre des médecins en Europe, en France ou en Amérique exige du médecin déjà installé de valider un certain nombre d'heures de formation. Donc on doit toujours mettre à jour nos connaissances. Je ferme là encore une autre grande parenthèse. Donc je disais que ce soir-là, les recommandations européennes 2013, et ça c'est le tableau qui nous permet d'évaluer le risque cardiovasculaire d'un patient. Donc on a dit en première étape qu'on a confirmé la tension, on a dit à quelle catégorie de tension artérielle appartient le patient, dans un deuxième temps, on va évaluer son risque. Bien sûr, on est presque sûr que l'HPA est essentiel et on a déjà évalué son retentissement par rapport aux autres questions auxquelles on a répondu la semaine passée. Ça va? Vous êtes en train de me suivre? Donc regardez ce tableau. Vous mettez sur le truc, tiens, comme sur le cours, voir tableau. Voir tableau. Faites zoom. Ah, le tableau. Après, vous allez l'avoir, je vais vous le donner. Ok? Alors, ce tableau, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Regardez, sur les lignes, toutes traces, vous avez tension normale haute, grade 1, HPA grade 1, grade 2, grade 3. Bien, on en a déjà parlé. Oui. On a dit qu'en première étape, on classe le malade côté tension. Vous allez croiser la catégorie de tension du patient avec les éléments du risque. Quels sont les éléments du risque? Là, la mise au point n'est pas parfaite. Alors, là, c'est mieux? C'est pas mieux? Oui. Maman, la mise au point? Il y a un bouton. Victime. Allez, je vais lire. Vous avez la catégorie de tension. Vous avez donc la catégorie de tension, d'accord? Ben, supposez que vous avez une femme, prenez sa tension, vous confirmez, elle a une tension grade 1. Pour déterminer la catégorie de risque, vous allez regarder ces différentes lignes. Alors, s'il n'y a pas de facteur de risque, vous allez croiser pas de facteur de risque avec cette tension grade 1. Vous allez avoir quoi? Risque bas. Bas, en basse. Il est faible, sinon. Si le malade présente Elle est, par exemple, âgée. Elle a 70 ans. Donc, un facteur de risque. Là, par exemple, elle est fumeuse. Bon, c'est rare. C'est un autre fumeur. Vous allez croiser un, deux facteurs de risque avec grave 1. Et le risque serait modéré. Alors, supposez que si vous êtes malade, elle a déjà fait un AVC. Alors, si elle a déjà fait un AVC, on est là. Ça s'appelle maladie cardiovasculaire, antécédent de maladie cardiovasculaire. Et la malade va avoir un risque. Croiser ça avec ça, ce sera un risque très haut. D'accord ? Puisqu'elle a déjà eu un événement cardiovasculaire par le passé. Ça va après tout choix de stratification du risque. Donc on stratifie le risque en fait pour savoir où on est le malade. Est-ce qu'il est, il risque de faire rapidement un événement ou est-ce qu'il a un risque faible? Et à partir de ce moment, on va décider de ce qu'on va faire pour le patient. Ça va? C'est cette stratification du risque qui va nous permettre de décider pour le patient. Et on va reprendre après le même tableau, mais avec l'attitude qui s'applique. D'accord? L'implication en fonction du niveau de risque. Donc, fonction de tableau. Donc, on croise l'existence de facteurs de risque, l'existence de 3 ou plus, 1 ou 2, ou la 3 et plus, l'existence d'une atteinte infraclinique d'organe, j'explique. Si le malade présente une HPG, c'est-à-dire que ce n'est pas une maladie, c'est un retentissement infraclinique. Atteinte infraclinique d'organe cible. Le malade qui fait une HGG, il ne va pas avoir de douleur. C'est quand vous faites l'écho, vous la trouvez. D'accord? C'est une atteinte infraclinique, le GQRH. Elle n'est pas symptomatique, si vous voulez. C'est lorsqu'on fait l'écho ou le CG qu'on va voir. Contrairement à un malade qui fait une insuffisance cardiaque. Un malade qui fait une insuffisance cardiaque, il est considéré comme ayant déjà une maladie cardiovasculaire. Faites-le. Un malade qui fait une microalbuminurie quand elle est très faible, une protéinurie, il sera considéré comme atteinte infraclinique d'organe cible. Mais dès lors qu'il commence à faire une insuffisance rénale, il va être ici. Faites-le. Voilà. Alors, est-ce que vous vous sentez capable maintenant de stratifier le risque cardiovasculaire si vous connaissez ce tableau? Oui, mais quoi? Activation. Voilà, vous avez besoin de ça pour raisonner justement. Vous avez besoin de savoir ce que c'est qu'un facteur. Non, ce n'est pas sur les tableaux. Je vais vous dicter. Alors, quand je dis facteur de risque, vous n'avez pas dit madame, quels sont? Les facteurs de risque dont on tient compte pour évaluer le risque cardiovasculaire. Vous ne m'avez pas posé cette question. Alors, vous allez mettre les facteurs de risque sont, c'est-à-dire ce que vous devez considérer comme facteurs de risque. Les facteurs de risque sont le sexe masculin, supérieur à 55 ans pour l'homme, à 65 ans pour la femme. C'est-à-dire, après 55 ans, un homme, il a risque d'événements cardiovasculaires. Mais la femme, elle attend jusqu'à 65 ans pour que l'âge devienne en lui-même un facteur de risque. D'accord? Donc l'âge, c'est différent entre la femme et l'homme. Donc on a dit le sexe masculin, l'âge au-delà de 55 ans chez l'homme, 65 ans chez la femme. Alors, le tabac actuel, c'est-à-dire le sujet fumeur actuellement, tabac actuel ou sevré depuis moins de 3 ans, c'est-à-dire après ça, donc 3 ans. C'est ça, sevré depuis moins de 3 ans. Parce qu'un tabagisme, quand on est sevré depuis plus de 3 ans, il n'est plus considéré comme facteur de risque. Tenez, cardiovasculaire, mais ça reste un facteur de néoplasie, etc. Mais sur le plan cardiovasculaire, On le comptabilise plus lorsqu'il a été arrêté depuis plus de 3 ans. Ça va? Les dyslipidémies. Bon, je ne vais pas rentrer de détails, mais à nous, parce que ce sera détaillé qui déroule en doctrine. Bon, je ne vais pas me m'attarder. Les dyslipidémies. Vous avez aussi. Alors, vous avez. L'acheter, on est dans l'acheter, on ne va pas la comptabiliser parce qu'on a déjà mené des chiffres de pression artérielle. On en tient compte, ou on ne va pas les compter deux fois, puisqu'on en tient compte sur. Pour les croiser avec les chiffres de pression artérielle. Diabète. Vous avez. Diabète. Le diabète, il est considéré comme 3 facteurs de risque et plus. Est-ce que vous diabète? Regardez. Je fous diabète. Je fous atteinte d'organes cibles. Voilà. Il est considéré comme une atteinte d'organes cibles. La mise au point du chemin. Non. Alors, vous avez atteinte d'organes cibles, maladie rénale chronique, etc. Ou diabète. Le diabète est là. C'est l'équivalent d'une atteinte intraclinique d'organes cibles. C'est considéré comme 3 facteurs de risque et plus. Comme une atteinte intraclinique, il est là. Le diabète par rapport au risque cardiovasculaire. D'ailleurs, il y a une petite étude, dont les conclusions sont les suivantes. Un sujet diabétique est un équivalent d'un coronarien. Il a le même risque de décès et d'événement cardiovasculaire qu'un sujet coronarien non diabétique. Donc, un sujet diabétique non coronarien a un risque presque aussi élevé que celui d'un coronarien non diabétique. Vous voyez un petit peu le diabétique où se situe par rapport au risque cardiovasculaire. Je ferme la parenthèse. Vous avez aussi les antécédents familiaux précoces de maladies cardiovasculaires. Les antécédents familiaux précoces de maladies cardiovasculaires. Je vous explique c'est quoi antécédents familiaux précoces de maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire que le patient, un parent proche du patient, parent de premier degré, un homme, par exemple son frère ou son père, a fait un événement cardiovasculaire avant 55 ans. Ça se comptabilise chez le malade comme un facteur de risque. C'est une prédisposition, si vous voulez, familiale. D'accord? J'explique. Vous avez un malade, vous l'interrogez. Dans ses antécédents, l'un de ses frères a fait un infarctus. Mais il l'a fait avant 55 ans. C'est comptabilisé comme un facteur de risque pour le patient. Pour les parentes femmes, bien sûr, pour ces femmes proches de premier degré, c'est avant 65 ans. Par exemple, sa mère a fait un infarctus à 58 ans. C'est considéré pour lui comme un facteur de risque. Vous avez compris? Oui. Ok. Alors, pour les atteintes infracliniques d'organes cibles, atteintes infracliniques, vous les avez ici. Atteintes des organes cibles. Retenez surtout l'hypertrophie ventriculaire gauche. L'hypertrophie ventriculaire gauche et la microalbuminurie. La microalbuminurie. Ça va? Il y a d'autres examens qui peuvent mettre en évidence des modifications au niveau de l'onde de pouls, l'indice de pression, cheville, etc. Mais je ne vais pas m'attarder sur ces détails. Alors, les maladies cardiovasculaires avérées. Maladies cardiovasculaires avérées. Vous avez l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance coronaire, les AVC, l'insuffisance rénale, les artériopathies, etc. Dès lors que la pathologie devient symptomatique, le malade a des signes, la manifestation cardiaque, on va dire maladie cardiovasculaire avérée. Donc, en disposant de tous ces éléments, vous devez savoir classer votre patient. Donc, croisez ces données avec son niveau de tension artérielle et vous allez avoir un tableau, une attitude thérapeutique. D'accord ? C'est la même chose que tout à l'heure. Madame, oui, l'obésité. Oui, oui, vous avez entièrement raison. Parmi les facteurs de risque, vous avez un taux de taille au-delà de 88 chez la femme et 102 chez l'homme. Tour de taille, ce qu'on appelle l'obésité abdominale. C'est plus dangereux qu'un sujet qui est harmonieux, qui est un peu fort un peu partout, qui a un tour de taille grand. Ça va? Vous avez bien suivi? Oui. Alors on a dit grand A, l'HTA est tel essentiel. Grand B, l'HTA a tel un retentissement. Grand C, on a parlé de stratification du risque cardiovasculaire. Vous mettez grand B, bien sûr, un événement cardiovasculaire. déshabitudes alimentaires, l'obésité. Alors, le syndrome d'apnée du sommeil, on en parle de plus en plus. Ce sont des sujets qui renflent la nuit, qui font des apnées. Et ça peut prédisposer à avoir de l'HPA, à avoir des événements cardiovasculaires. Enfin, on recherchera les atteintes d'organes cibles. Au cerveau, les céphalées, pour le cœur, palpitations, la dyspnée, etc. Pour le rat, la poliurie, pour les artères périphériques. C'est surtout la claudication. Ok? Donc, on essaie de voir s'il y a des retentissements. Et comme vous avez déjà eu la sémiologie cardiovasculaire, donc en fonction de ce que je vous ai donné dans le tableau des complications, vous aurez ce que vous allez rechercher. Ça va? Et puis, vous allez voir si le malade a déjà pris un traitement anti-hypertenseur ou pas. Parce qu'il ne faut pas refaire donner un même traitement qui a été mal toléré ou qui a été inefficace. D'accord? Et puis, bien sûr, voir si le malade, quelles sont les conditions socio-économiques. S'il n'a pas d'argent, on ne va pas prescrire un médicament cher, il ne va pas le suivre. D'accord? On essaie de nous adapter, de prescrire quelque chose compatible avec son niveau socio-économique. Parce que le but, ce n'est pas d'épater le malade, mais de se dire, je vais faire ce qu'il y a de mieux dans la littérature, c'est aussi de prescrire quelque chose que le malade va acheter. D'accord? Quand il n'est pas assuré, bien sûr, c'est très important. Alors, on fait un examen clinique, donc on a interrogé, on fait un examen clinique et toujours pour répondre aux différentes questions. Alors, lorsqu'on recherche une HPA secondaire ou une atteinte d'organes cibles, par exemple, comme je vous ai dit, les endocrinopathies, les dysthyroïdies, etc., on recherchera à l'examen clinique le syndrome de Cushing. Vous savez comment se présente un syndrome de Cushing, hein? Le buffalo-neck, l'érythrose, les membres grêles, les vergetures, etc. Vous avez des signes cutanés de neurofibromatose. Sachez que le phéochromocytome peut s'intégrer dans les neurofibromatoses, pression-rhumato-sémiologie, comme la maladie de Van Eyck-Lima aussi. Certainement. Alors, vous avez fait votre sémiologie en une année, on ne vous a pas parlé de ça. Alors, vous pouvez consulter de façon neurofibromatose le soir, vous allez voir ce que c'est. Ça donne des signes neurologiques et une atteinte multiple. Alors, vous avez à l'examen, vous pouvez percevoir de gros rats palpables au niveau des loges lombaires. Et c'est compatible avec, comme je vous l'ai dit, les causes rénales comme la polykystose. Vous pouvez rechercher la scomalie de l'HPA rhino-vasculaire. L'HPA rhino-vasculaire, c'est une des causes d'HPA secondaire. On peut avoir un souffle para-ombilical qui témoigne de la sténose d'une artère rénale, pour un examen. Et vous avez l'abolition des poux fémoraux. Qu'est-ce que ça témoigne de quoi? De la coarctation, on en a parlé. Okay? Donc vous voyez que les ces données vont essayer de répondre aux questions. Vous avez les signes qui témoignent d'une atteinte d'organes cibles. Ils sont là. Un souffle, par exemple, carotidien, ça témoigne d'une atteinte. D'accord? Ok? Un déficit moteur. Le malade fait ses séquelles d'AVC, par exemple. Là, il a déjà eu un AVC. Donc, le malade a quoi? Une maladie cardiovasculaire avérée. Vous recherchez, par exemple, des troubles d'urine, des signes d'insuffisance cardiaque, des râles aux bases, des œdèmes, un gros foie. C'est des signes d'insuffisance cardiaque. Et au niveau des artères, c'est la palpation des poux, l'abolition des poux, un souffle, etc. Et bien sûr aussi au niveau des carotides. Et vous prenez la taille et le poids du patient. D'accord? Bien sûr, ce qui est important, c'est le tour de taille à l'autre. Alors, ce bilan, vous devez le copier. Alors, il y a un bilan donc, systématique à faire chez tout hypertendu. Vous allez prendre ce bilan systématique, mais je vous donnerai comment retenir rapidement. Vous allez dire bilan métabolique. Le bilan métabolique, vous faites la glycémie à jeun et la formule lipidique. C'est bilan métabolique. Le bilan rénal. Le bilan rénal, vous ferez la créatinine avec la créatinine, la clairance de la créatinine, ça va faire. Parce que la clairance, ça peut varier d'un sujet à l'autre. En fonction de quelle formule on l'a fait habituellement, la formule de Cockcroft. Il y a aussi la formule MDRD. Mais ce qui est courant, c'est la formule de Cockcroft. Ça dépend du poids, de l'âge du sujet et de son sexe aussi. Il y a un facteur correcteur chez les femmes. Et vous avez aussi la recherche de protéinurie et de microalbuminurie. Si la recherche de protéinurie est négative, vous faites une recherche de microalbuminurie. Si vous ne trouvez pas de protéines dans les urines, vous recherchez la microalbuminurie. Vous devez faire aussi l'acide urique, la FNS et bien entendu un électrocardiogramme. Hein, n'oubliez pas l'électrocardiogramme. Alors, mes chers amis, c'est des analyses sanguines, gardez en tête qu'il y a un examen à faire. Hein. Le CG, c'est pas parce que je suis cardio, mais le CG est précieux. Hein. Sur un CG, on peut trouver déjà l'HBG. Quand on trouve l'HBG, le malade il va basculer dans une catégorie de risque plus élevée, puisqu'il va avoir une atteinte intraclinique d'organe cible. Faites-le. Le CG, il peut nous montrer l'HBG. Et quand l'HBG existe, ça augmente le risque du patient. Puis c'est un examen que n'importe quel médecin peut faire, même le médecin généraliste, c'est-à-dire qu'il n'est pas coûteux. Par contre, le fond 2, il est juste systématique, surtout chez le diabétique. Il est systématique chez le diabétique ou là dans l'HTA grave ou la maligne. Par exemple, dans l'HTA maligne, on cherche de signes d'encéphalopathie, de DER, etc. Okay. Mais on ne le fait pas systématiquement chez tout hypertendu. Ça va? Donc on arrive, on a fait évaluation de l'hypertendu, c'était grand 4, grand 3, grand 3 d'élève. Grand 3. Non, les chiffres romains. Grand 3, c'était évaluation. Grand 4, facteur. Donc un grand 4, c'est traitement. Traitement. Vous avez grand A, les mesures hygiéno-diététiques. Grand A, les mesures hygiéno-diététiques. Elles ont l'avantage. Elles ont l'avantage d'être sans effet secondaire. Elles ont l'avantage d'être sans effet secondaire. Bon, on peut avoir faim, on peut ne pas aimer le sang sel, la diminution du sel parce qu'on ne fait pas le sang sel strict. On peut vouloir manger un peu trop, alors qu'on a l'habitude de manger des quantités, mais ce n'est pas des effets secondaires, c'est en fait on se prive de beaucoup de choses, tout simplement. Donc, normalement, les mesures hygiéno-diététiques sont indiquées chez tout hypertendu. Les mesures hygiéno-diététiques sont indiquées chez tout hypertendu. C'est ma carte de loup, les mesures hygiéno-diététiques. Seul ou en association au traitement pharmacologique. Seul, on verra après comment on peut les donner seul et comment on peut les associer. Ça va? Donc, seul ou en association au traitement pharmacologique. Ça va? Qui met de traitement pharmacologique, on associe toujours les mesures hygiéno-diététiques. Ça, qui met les mesures hygiéno-diététiques, on peut les donner seul. Mais on va voir dans quel cas on les donne seul. Un autre tableau va nous permettre de répondre à cette question. Ça va? Alors, je continue. Alors, ces mesures hygiéno-diététiques sont indiquées, j'avais dit, chez tout hypertendu, on peut aussi les recommander chez les sujets. C'est les sujets en tension normale haute. Chez les sujets en tension normale haute. Surtout avec des antécédents d'HTA. Surtout avec des antécédents d'HTA. mesures hygiéno-diététiques, MHD, nous avons tout d'abord la limitation de la consommation de sel. Melhmerida, le sel de table, pas les sels avec E de ZES, hein? Attention. On a déjà vu ça sur les cookies quand il y avait la question ouverte. Ne faites pas cette. Le sel du futur médecin, surtout si tu vois sur une ordonnance, c'est vraiment la catastrophe. J'ai vu les ordonnances avec sans sel. E, Z, ES. Ok? Alors, réduction du poids. Réduction du poids. L'obésité est un facteur qui prédispose à l'HPA. Réduction du poids. Pratique d'une activité physique régulière. Pratique d'une activité physique régulière. Il n'y a pas mieux qu'une marche rapide. Tant que vous êtes jeune, marchez de temps en temps. D'accord? Assez souvent, si vous pouvez le faire. Alors, les recommandations disent 30 minutes, au moins. 3 fois par semaine. Au moins 3 fois par semaine, une marche rapide. C'est bon, je continue. Alors, les recommandations européennes disent limiter l'alcool, l'ergolo, HEPS. Parce que pour les Français, un à deux verres, ça peut rendre service. Là, c'est chez le vendu en haut. Subhano, si on va au paradis, on aura droit à ça. Ça améliore, mais bon, sur terre, on n'a pas le droit de dire aux malades, prenez de l'alcool. Ok? Donc, un à deux verres, ils disent les Européens, ça peut arranger les choses. Mais ils le disent, c'est pas totalement innocent. Ils le disent parce qu'ils veulent vendre aussi leur vin. Attention, il y a de l'argent aussi derrière. Les Français sont réputés, ils fabriquent le vin et tout. Et donc, ils disent du vin rouge, un à deux verres, ça peut rendre. Et c'est ce qu'on appelle le paradoxe français. Et c'est pour ça que dans les recommandations, ils disent limiter l'alcool à moins de 3 verres. Là, c'est pas moi qui ai tapé ça, c'est les textes de recommandation. Nous, dans le cours, on va mettre sévrage de l'alcool. Ok? On a vu ça aussi, il y a de grands consommateurs d'alcool, et comme on l'a vu, l'alcool est un facteur de risque. L'alcool peut lui-même aggraver une tension artérielle. Je vous ai dit que c'est parmi les facteurs iatrogènes, il y a la consommation excessive d'alcool. Ça va? Alors, nous avons aussi un régime riche en légumes et fruits. Donc, on vous dit de partout, même à la presse, destiné au grand public. On nous a appris cette histoire de 4 à 5 légumes et fruits par jour. Hein? Tout le monde connaît ça. Même les personnes qui n'ont rien à voir avec la médecine. Et enfin, l'arrêt du tabac. L'arrêt du tabac, parce que le tabac, c'est un facteur de risque quand même majeur. Ça va? Jusque-là, ça va. Les mesures hygiéniques et diététiques traditionnellement, grand B, le traitement pharmacologique. Ça va? C'est bon, traitement pharmacologique en grand B. Alors, qui m'annonce comme BS? On sait que le traitement améliore le pronostic de l'hypertension. Nous disposons d'innombrables preuves. On a à notre disposition. Nous disposons d'innombrables preuves, c'est-à-dire on a beaucoup de preuves. Nous disposons d'innombrables preuves du bénéfice du traitement. C'est très important. Savoir que le traitement améliore le pronostic. Nous disposons d'innombrables preuves du bénéfice du traitement. Vous ouvrez la parenthèse et vous mettez essai clinique, essai comme essayer. Un essai clinique, c'est-à-dire une étude où on essaie un traitement. Essai clinique. Méta-analyse. analyse. Méta-analyse, c'est-à-dire ce sont des mathématiciens qui se spécialisent dans, ils rassemblent beaucoup de décès cliniques et les analysent ensemble pour confirmer quelque chose. Au lieu de raisonner sur une étude, parce que parfois les études sont contradictoires. Il y a une étude qui nous dit que ça améliore, notre étude nous dit que ça n'améliore pas et tout. Qu'est-ce qu'ils font les méta-analyses? C'est des sujets tout comme, c'est des auteurs qui sont spécialistes, c'est des mathématiciens, c'est des médecins mathématiciens, si vous voulez, qui vont compiler les preuves. Ils vont traiter plusieurs essais avec des tests statistiques pour voir s'il y a un bénéfice à donner ou pas. D'accord? C'est ça les méta-analyses. Et quand vous avez une méta-analyse positive qui est en faveur de quelque chose, c'est plus puissant que l'essai clinique, ça va de soi. D'accord? Sans les profs. Maintenant, quand on parle en question médecine, ou cardio surtout, on dit, est-ce que cette recommandation a la puissance voulue? Est-ce qu'on a les arguments voulus pour dire, je dois traiter de cette manière le malade? Alors, vous trouverez, si vous allez fouiller dans les recommandations, on vous dit, c'est une recommandation classe 1A. Je mets ça 1, mais tout le monde est d'accord pour donner le traitement, classe A. On a des essais cliniques, on a des méta-analyses, etc. C'est un exemple. Donc, on traite sur la base d'essais cliniques et de méta-analyses. Parfois, on ne dispose pas de tout ça. On traite sur des preuves qui ne sont pas très puissantes. C'est sur la pratique de tous les jours. Et là, c'est ce qui est de moins de valeur par rapport aux méta-analyses. Alors, je ferme cette parenthèse pour dire, ça reste un domaine en évolution, c'est-à-dire, c'est pas des recommandations figées, elles vont changer. C'est un domaine en évolution. C'est tout, j'ai largement expliqué tout à l'heure pourquoi je dis c'est un domaine en évolution, ce qui est valable aujourd'hui ne l'est peut-être pas dans une année ou dans 6 mois. Donc on doit mettre à jour ces connaissances. Alors, là, c'est pas pour écrire Schuffenberg. Hein. Regardez ce travail qui a été publié dans une grande revue de Lancet en 2002, tout à fait en bas de la plaque. Regardez, un abaissement de 10 mm de la pression systolique, systolique blood pressure, d'accord, diminue de 7% le risque de mortalité par insuffisance coronaire et de 10% le risque de décès par AVC, un stroke, d'accord. Si on abaisse un peu plus, moins de 10 mm de PAS, c'est moins de 30% de décès par cardiopathie, regardez, et moins 40% de décès par AVC. Alors, vous allez mettre, en fait, le bénéfice du traitement est lié avant tout à l'abaissement des chiffres de pression artérielle. Donc, au-delà du choix, comme on le verra après, du choix de la molécule, le bénéfice est surtout la réduction de la pression artérielle. Donc, le bénéfice est surtout lié à la réduction de la pression artérielle. Ça va? Alors, je quitte ce truc pour repartir au tableau. Il est 3h30. Pile ou la moins de 15. Bon, on va juste commenter ce tableau. Puisque moi je vais avoir des patients la prochaine fois, c'est un cours très court. Une quelle réponse qui reste de la chaîne. D'accord, c'est très important. On va commenter ce tableau. Regardez, c'est le tableau. Mais sur ce tableau, vous avez l'attitude thérapeutique. C'est tout. Et puis net, les couleurs, c'était le niveau de risque. Donc là, la couleur, c'est l'attitude thérapeutique. OK? Alors, si le sujet n'a pas de facteur de risque, et que sa tension est normale, haute, alors c'est quoi l'attitude en blanc? Pas d'interrogation. Sur sa tension artérielle. Ça va? Alors, si le sujet a une maladie cardiovasculaire avérée et qu'il a une tension grade 1, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Modification de style de vie, c'est-à-dire les mesures hygiéno-diététiques, plus traitement pharmacologique. Médicamenteux, c'est pharmacologique. Donc, ce tableau, il va nous dire comment gérer les chiffres de pression artérielle selon ce qu'on a comme élève. C'est un petit peu la même chose. On a évalué le risque. Et si on peut, si vous avez le temps chez vous, vous pouvez couper ce carré en deux, mettre le niveau de risque et l'attitude thérapeutique. D'accord? Pour les rassembler, on a sur le tableau. Vous verrez à quelques trucs au niveau de ce ligne, c'est à peu près la même chose. Alors, ça va? Oui. Vous avez bien suivi? Oui. Voilà. Donc, je me suis un petit peu attardée sur le parce que c'est le chapitre le plus important. Allez, à la semaine prochaine. البس هذا اللي دارني لازم تكون معك تقوي هذاك ما دمت هنا على شنو هذا نخدم Thank you. بس مروحة بس بلك ما نفسك لا بس هي مروحة Я работаю.